Postface. Ce livre n'est pas un ouvrage d'histoire, mais une fiction se déroulant entre août 1942 et avril 1943. Les héros sont bien évidemment imaginaires. Gens peu ordinaires, il est vrai, mais pas extraordinaires non plus. Bien des Français ont révélé des personnalités inattendues en cette époque troublée, montrant de sublimes dévouements comme d'ignobles bassesses. La toile de fond du roman repose sur des faits historiques, y compris le temps qu'il fit ces années-là. Le lieutenant Schuller, comme le capitaine Werner, bien que conformes au comportement des officiers SS de l'époque, sont aussi des personnages fictifs. De même, l'épisode du train mitraillé en gare de Bobigny est inventé. Certes, des trains de prisonniers ont subi des attaques aériennes. Des Juifs ont été mitraillés au départ ou à l'arrivée des trains parce qu'ils refusaient d'y monter ou d'en descendre. Mais à notre connaissance, aucun train n'a subi un mitraillage complet au départ de la gare de Bobigny. Quoi qu'il en soit, les nazis ont commis des forfaits bien plus barbares et tout aussi gratuits. Quant aux autres assassinats de l'intrigue, ils sont plausibles, vu le climat qui régnait à l'époque, mais ne sont pas basés sur des faits réels. Nos héros savent que les Juifs déportés dans les camps n'en reviendront certainement jamais. Ce fait a choqué certains lecteurs qui pensent qu'à cette époque, personne ne savait rien du sort réservé aux Juifs par les nazis. On ne savait rien. Que savait-on à cette époque? On savait, par des fuites de la police française, de la gendarmerie, des populations voisines, que dans les camps d'internement en territoire français, les prisonniers mouraient de faim, d'épuisement et de maladie. Il n'était pas difficile d'en déduire que l'internement sur le territoire allemand ne devait apporter qu'une aggravation de ces conditions de détention et de vie. On croyait à l'idée répandue que les Juifs étaient déportés pour aller travailler dans des territoires de l'Est ou pour les repeupler. Si, à partir de 1942, les Juifs fuirent en masse et cherchaient refuge en dehors des pays occupés, ce n'était pas pour faire du tourisme, mais bien pour fuir ce qu'ils considéraient comme un risque mortel. Par rapport à ce qui précède, dire qu'on ne savait rien frise donc la mauvaise foi. Alors, qu'ignorait-on réellement? L'élaboration technique de la Shoah fut menée dans le secret, mais avec une précision que l'on peut qualifier de scientifique, une volonté inflexible de supprimer de la terre le peuple juif. À partir de la conférence de Wannsee, où la solution finale fut décidée, les hauts officiers allemands ne pouvaient ignorer que les trains de prisonniers les emportaient vers une mort programmée et planifiée. À la libération, on découvrit avec horreur jusqu'où l'homme était capable de faire souffrir son semblable. Le témoignage des quelques rescapés ne fit que renforcer encore plus l'opinion du monde sur la démoniaque barbarie des nazis. À l'époque où se déroule notre roman, et avant ces macabres découvertes, il était de mise de feindre une prudente ignorance face à l'oppresseur nazi. Ce réflexe d'autruche était compréhensible de la part d'une population dont le propre sort était déjà très préoccupant. Certains Français, dans les régions reculées, pouvaient effectivement ignorer l'acuité du drame qui se déroulait dans le pays, mais de là à dire qu'on ne savait rien, d'une façon générale, il y a un pas que la conscience ne peut franchir. Et enfin, pourquoi des justes ont-ils existé? Ceux-là, en plus du courage dont ils ont fait preuve, savaient bien quels étaient les risques qu'ils couraient aux côtés des Juifs. Enfin, si d'aventure nous avions à traverser une tourmente analogue, serions-nous meilleurs que nos aînés? Je laisse au lecteur le soin d'y réfléchir. Ainsi s'achève, juste malgré lui, un médecin peu ordinaire dans la tourmente de l'occupation, par Jean Darrigue.